justice en respectant l'environnement. Découvrez tous les avantages des pompes à chaleur Daikin sur daikin.be. Oh, le disant, je l'ai excellent. Ah ben voilà le parrain, tiens, salut Denis. Pourquoi pas, tiens. Bonne idée. Allez, ça y est, c'est retour au calme ce matin et c'est bienvenu dans certaines régions avec encore assez bien de grisaille. On a encore l'une ou l'autre petite averse sur l'ouest du Hainaut, près du littoral, mais c'est en train de s'évacuer. La tendance pour aujourd'hui, on espère quelques éclaircies à partir de l'est dans le courant de la journée. Mais comme hier, on restera vigilant en fin d'après-midi car il y a à nouveau des cellules orageuses qui pourraient revenir de l'Allemagne et des Pays-Bas vers nos régions. Les températures, 16 en Ardennes, 18 sur le centre, 21 en Campine. Et bonne nouvelle, les températures vont remonter. Demain, on attend 22 degrés à Bruxelles, 24 dimanche. Mais attention, demain aussi, on aura encore un risque d'orage en fin de journée. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, après la France et l'Allemagne, c'est la Belgique qui est touchée par les inondations et plus particulièrement la province de Luxembourg. Oui, cette nuit a été cauchemardesque pour de nombreux habitants de Marche et de Nassogne notamment. Ça fait plus de 50 ans que je vis ici, on n'a jamais vu ça, jamais. Première fois, on est petit devant ça quoi, mais on fait avec. Le plan d'urgence a été déclenché, la Nationale 4 est coupée. Une personne est également portée disparue à Nassogne. Nous retrouverons dans un instant à Masbourg Sonia Boulanger. Peut-être la fin de la grève à la SNCB, la CGSP aurait fait volte-face. Un retour à la normale pourrait avoir lieu dès demain. En attendant, c'est toujours très compliqué sur le rail ce matin. Du côté des bus, toujours pas d'amélioration. À une semaine de l'Euro de football, quelles sont les mesures de sécurité pour accueillir les supporters en France ? Nous verrons ce qui est prévu à Bordeaux, le camp de base des Diables Rouges. De nombreux Belges se rendront sans doute dans la fan zone du centre-ville bordelais. Mais avant de se rendre à Bordeaux, les Diables vont rencontrer les plus jeunes de leurs supporters. Ils visitent 10 écoles aujourd'hui, et notamment celle de l'Arbre Vert à Mons. 70, 80, même parfois 80 cm d'eau, voire plus. Nassogne, en province de Luxembourg, a été balayée par les inondations. Inondations et coulées de boue. La Ouham, la rivière locale, est sortie de son lit et a pris les habitants de cour. Maisons, caves inondées, voitures emportées. Beaucoup de dégâts et surtout peut-être une victime, Lionel de Neubourg. Oui, une personne qui est toujours portée disparue ce matin à Nassogne, à Arcin plus précisément. Un homme qui aurait tenté de sauver ses ruches hier soir avant d'être emporté par le courant. Les recherches ont été suspendues cette nuit vers 2h. Elles reprennent ce matin, mais les conditions sont compliquées. Il y a beaucoup de brouillard sur la région. 5 personnes ont également dû être hospitalisées. Et prenons maintenant la direction de Masbourg, où vous vous trouvez, Sonia Boulanger. Sonia, vous avez parcouru toute la région depuis tôt ce matin. On peut parler d'une région sinistrée ? Elle est sinistrée en des endroits bien précis, les centres du village par exemple où je me trouve, mais entre-temps c'est vrai sur les routes qui relient les villages, les eaux sont très très fortes. Il faut donc être prudent quand vous circulez sur ces petites routes de campagne. Alors ici, au centre de Masbourg, tout est inondé. C'est le désastre. La rivière s'est vraiment invitée partout. Une riveraine vient de me faire entrer chez elle. La bouille est partout, je vous le disais, jusque dans le four électrique de la cuisinière. Ses habitants ont été surpris hier soir alors qu'ils mangeaient. Ils n'ont rien pu faire pour arrêter la masblette. C'est le petit cours d'eau d'habitude si tranquille. Et aujourd'hui, cette masblette a laissé des traces sales, gluantes, qui ont tout envahi. Il y a des débris de bois, il y a des sacs plastiques, il y a des pots de fleurs, il y a des jouets, il y a des chaises de jardin. Tout est à l'abandon et évidemment dans les maisons, les traces sont vraiment bien visibles. Il va falloir vraiment beaucoup travailler pour tout nettoyer. Merci Sonia Boulanger en direct de Masbourg dans l'entité de Nassogne. Les habitants de Nassogne et des entités aux alentours ont tous été surpris donc par la rapidité de la montée des eaux. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Masbourg. Masblette ici, c'est un petit ruisseau qui se jette dans la Lomme. Et c'est rentré par ici parce que le cours d'eau passe. Donc il est passé par la véranda, il est ressorti côté rue et on s'est retrouvé avec 1m10 d'eau dans toute la maison. Et voilà. 1m10 d'eau. 1m10, ouais. On a essayé de sortir un maximum de meubles, de petits objets. Mais la pression de l'eau étant là, c'était trop dangereux. Alors on a laissé tout comme ça, on est sorti attendre que la crue redescende. L'eau poussait les meubles. L'eau poussait complètement les meubles, oui. Une interview d'Éric Destiné. Et il n'y a pas qu'à Nassogne que l'eau est montée, à Marchand-Famène, à La Roche en Ardennes aussi, où un camping a dû être évacué. Ce matin, la Nationale 4 est toujours fermée à la circulation dans les deux sens entre Marche et Tenneville. Évidemment, dans la région, maintenant, on scrute le ciel avec anxiété. Les risques d'orages n'est pas écarté pour cet après-midi. Orages localisés. Pour l'instant, les cours d'eau sont toujours placés en alerte de crue, mais les niveaux s'orientent à la baisse pour la Lomme et ses affluents, dont la qui a fait beaucoup de dégâts. En France, les inondations ont fait une victime de plus. Il s'agit d'un cavalier emporté par les eaux en région parisienne. Paris, où le niveau de la Seine ne cesse de monter. Le musée du Louvre sera fermé aujourd'hui pour permettre l'évacuation d'une partie des collections qui se trouvent dans les réserves. Le musée d'Orsay est également fermé. En tout, ce sont 13 départements qui sont toujours en alerte ce matin. 19 000 foyers sont privés d'électricité. Et en Allemagne, les intempéries ont fait au moins 9 morts. Au chapitre social, peut-être la fin de la grève aujourd'hui à la SNCB. Oui, le trafic des trains devrait reprendre petit à petit ce vendredi. D'après le journal L'Écho, un retour à la normale est prévu pour ce soir, 22h. La CGSP a voté la reprise du travail hier soir. Concrètement, ce matin, un peu plus de trains circulent, mais cela reste très compliqué pour les navetteurs. Nathalie Pierrard, porte-parole de la SNCB. Dans les faits, la situation reste encore fortement perturbée en Wallonie, avec notamment des fortes perturbations dans le Hainaut. Sur les grands axes, ça roule au rythme en général de un train sur deux ou sur trois. Certaines lignes ne sont malheureusement pas desservies. Par exemple, il est très très très compliqué de relier Tournai à Bruxelles ou Mons à Bruxelles. Des lignes également entre Mons-Charleroi ou Otigny. Charleroi, Couvain, Charleroi ne sont même pas desservis. Donc ça reste très compliqué encore ce matin. La porte-parole de la SNCB, jointe par Michel Lagaze, et une réunion entre la direction de la SNCB et les syndicats est prévue ce matin à 10h. S'il y a donc quelques trains en plus ce matin, du côté des bus, c'est plutôt le statu quo par rapport à hier, avec donc une circulation très perturbée. C'est la CGSP qui mène ce mouvement. Elle tiendra une assemblée générale à 14h. La CGSP qui a aussi déposé un préavis de grève à la poste pour le 13 juin. Du côté des prisons, pas de changement. La grève continue. C'est dans ce contexte plus que tendu que les syndicats ont rencontré hier soir le ministre de l'Emploi. Chris Peeters leur a expliqué sa réforme du marché du travail. Un projet qui prévoit, entre autres, la fin des 38 heures semaine, l'augmentation des heures supplémentaires ou encore une flexibilité plus importante. À la sortie de la réunion hier soir, les syndicats ne se sont pas exprimés. La semaine prochaine, ce sont les patrons qui rencontreront Chris Peeters. Les terroristes de Paris avaient donc tout prévu. Oui, et même résilié les contrats de bail des différentes planques qu'ils avaient louées sous de faux noms. Ils ont fait prévenir les propriétaires après les attentats. Comment s'y sont-ils pris exactement? Patrick Michel nous décrit le stratagème utilisé. Exemple à Charleroi, à la rue du Fort, d'où sont partis différents terroristes vers Paris. Ce SMS est adressé au propriétaire fin novembre. « Bonjour, c'est l'ami d'Ibrahim Maroufi. Il a eu un problème en Espagne. Il s'est fait attraper avec du hashish à la douane. Il risque au moins 2 ans. Tu peux relouer l'appart et garder les 2 mois de garantie. Merci d'avance. » Un message qui va produire l'effet recherché. Le propriétaire fera vider le logement et un nouveau locataire s'installe dans la place. Des indices vont être ainsi perdus pour les enquêteurs lorsqu'ils débarqueront une semaine plus tard. Scénario identique, rue Henri Berger, cette fois à Schaerbeek, où le locataire annonce par téléphone qu'il doit rester en Espagne, mais pour soigner sa mère malade. Idem à Jette, plus tard, dans l'appartement loué par Mohamed Bakali, sous un faux nom, celui d'Alguerto Malonzo. Là, c'est une prétendue sœur, qui annonce par mail que son frère est entre la vie et la mort suite à un accident de voiture. Elle indique au propriétaire qu'elle a déjà vidé l'appartement et qu'il peut garder la caution. Résultat, après le 13 novembre, aucun des propriétaires contactés ne s'inquiétera auprès de la police de la soudaine disparition de son locataire. Les précisions de Patrick Michel. Vous le savez, depuis les attentats, la France est toujours en état d'urgence. Pas question pourtant d'une annulation du prochain Euro de football. Mais il y a tout de même un débat important autour de la sécurité. Ce débat concerne la tenue des fan zones avec leur écran géant. Il y aura une fan zone dans chaque ville hôte de l'Euro. 7 millions de spectateurs sont attendus pour vivre les matchs, faire la fête dans ces endroits. Polémique, il y a les pour et il y a les contre. Alors, c'est Sébastien Joris, quels sont les arguments des contre ? Pour eux, les fanzones posent plusieurs problèmes. D'abord, ces milliers de supporters rassemblés au même endroit donneraient une cible trop attirante pour des terroristes. Ensuite, les fanzones vont mobiliser des forces de sécurité et ces moyens pourraient être utiles ailleurs. Enfin, ces mini-villages seraient trop difficiles à contenir. Le leader du marché de la sécurité privée a par exemple refusé de s'y coller. Du coup, dans l'opposition, François Fillon y est allé fort. Sur France 2, il a parlé de folie. C'est une folie parce que ça veut dire que la police, au lieu d'être à temps complet pour lutter contre le terrorisme, elle va devoir en plus affronter les manifestations organisées par la CGT et quelques autres et s'occuper des fan zones. Dans un état d'urgence, on ne laisse pas des centaines de milliers de personnes se rassembler tous les soirs sous la tour Eiffel. Alors Sébastien, pourquoi alors les fan zones sont-elles maintenues ? Parce que c'est un élément de sécurité. Et oui, pour les uns, c'est une folie, et pour les autres, à l'inverse, cela fait partie de la sécurisation des supporters. Frédéric Gilles est chef de projet Euro pour la ville de Bordeaux. Accueillir, comme on nous annonce, 40 000 Belges dans Bordeaux, sans proposer ce type d'endroit, ça veut dire aussi que les rassemblements, de toute façon spontanés, auront lieu partout dans la ville, dans des espaces non sécurisés, qui disperseront nos forces de l'ordre et nos moyens de couverture en termes de secours. Et cette dispersion, on veut l'éviter. Les fan zones seront accessibles à tous, gratuitement, mais il faudra passer par différents filtrages avec palpation et vidéosurveillance. Les explications de Sébastien Joris. Et avant de s'envoler pour Bordeaux, les Diables Rouges s'invitent dans 10 écoles aujourd'hui. Et Marouane Feilani et Christian Benteke vous rendent visite aux élèves de l'école montoise de l'Arbre Vert ce matin. L'école fait partie des lauréats du concours Les Écoles Endiablées. Les deux Diables vont passer une heure avec les élèves de cette école d'enseignement spécialisé. Le jeune Gauvin est particulièrement heureux d'accueillir dans sa classe ces deux stars du ballon rond. Christian Benteke, je l'ai dans mes cartes, et Feilani aussi. Qu'est-ce que tu vas leur dire ? Ben, je dirai une autographe et je les montrerai dans mon album, dans mes cartes. Tu sais ce que vous allez faire ? Ben, on va faire un tournoi, mais j'espère qu'il fera beau. Puisque là, il fait un pas bon temps et s'il se glisse et il se casse la jambe, c'est dommage. Vous allez leur offrir des choses aussi ? Ben, moi, je vais offrir un truc, mais il faut que je trouve, je sais pas quoi leur offrir. Un grand cadre avec des photos. Et puis un crin du doudou aussi. Oui, ça va lui porter chance. Au moins, il gagnera tous les tournois. Et au moins, on verra au foot s'il gagne pour voir si ça porte chance. On verra si c'est le cas. Une interview au signé Guillaume Gilbert. 8h12 et le 8-9 tennis avec les demi-finales masculines et féminines de Roland-Garros qui se jouent aujourd'hui. Oui, chez les dames, à partir de 13h, la numéro 1 mondiale Serena Williams affronte Kiki Bertens et Garbin Muguruza est opposée à Samantha Stosur. Chez les hommes, à partir de 15h, le tenant du titre Stan Wawrinka affronte Andy Murray. Novak Djokovic est opposé à Dominic Thiem, le tombeur de David Goffin. La déception passée, le Liégeois veut retenir le positif de son tournoi parisien. Il va d'ailleurs se retrouver à la 11e place mondiale, le meilleur classement d'un joueur belge. Même, vous allez l'entendre, il n'en fait pas une priorité. C'est qu'un numéro 11, 12 ou 13. Voilà, j'essaie juste de progresser, essayer d'aller chercher des résultats, de faire de grandes choses dans les grands tournois. Et puis c'est sûr que si ça passe et que j'arrive à le faire, bah, le classement est la conséquence de tout ça. Mais... Ouais, il ne faut pas se focaliser sur le classement. C'est juste de me concentrer sur mes objectifs en termes de tennis et de ce que j'ai à faire pour progresser dans tous les domaines. Et puis voilà, si j'arrive à le faire et à continuer à me battre et comme je le fais pour l'instant sur le terrain, ben, voilà, le classement, j'espère, sera de mieux en mieux. David Goffin au micro de notre envoyé spécial à Paris, Christine Anquet. Un mot d'athlétisme également, Kevin Borlée a terminé à la 6e place du 400 mètres lors de la 5e manche de la Diamond League disputée à Rome hier soir. Et on termine, Nathalie, par une page d'histoire. La République italienne a fêté ses 70 ans hier le 2 juin, un mois de juin qui est synonyme de célébration pour toute la communauté italienne de Belgique. Oui, parce qu'elle fête les 70 ans de son immigration cette année. En 1946, la Belgique cherche à relancer son économie ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Pour soutenir les efforts de reconstruction, l'industrie a besoin de charbon, mais les Belges désertent les mines et c'est l'Italie qui va combler le déficit de main-d'œuvre grâce au fameux accord du charbon. Retour sur ces accords qui verront affluer des milliers de mineurs italiens suivis de leurs familles dans nos contrées. Catherine Tonero. rats contre du charbon. Le protocole scellé le 23 juin 1946 entre la Belgique et l'Italie prévoit l'envoi de 50 000 Italiens chez nous. En échange, la péninsule pourra importer 200 kilos de charbon par mineur et par jour. Les termes du contrat sont stricts. Il faut avoir 35 ans maximum, avoir passé des tests médicaux, s'engager dans la mine pour 5 ans au moins. Et ce, contre des avantages sociaux et un logement convenable. En quête d'un avenir meilleur, les mineurs vont vite déchanter. Pour Paolo Grossi, directeur de l'Institut italien de culture, c'est l'esprit de sacrifice pour la famille qui a rendu cette immigration possible. Ils savaient qu'ils partaient pour leur famille. Ils avaient derrière eux des familles, parfois nombreuses, qui sont venues les rejoindre après. Et c'est ça qui leur a donné la force d'endurer des conditions de travail très très dures. Et des accidents qui se multiplient jusqu'à celui du bois du casier et qui coûte la vie à 232 mineurs et met un terme aux accords bilatéraux, mais pas aux regroupements familiaux et à l'affirmation italienne en Belgique. Après 1956, il y a un processus d'intégration très fort, ce qui fait qu'aujourd'hui, la présence italienne ne concerne plus exclusivement des travaux, disons, moins importants, mais on trouve des Italiens dans des positions importantes de la société belge. Donc, ça peut être un exemple d'intégration réussie. Et Catherine Tonnerreau avec Françoise Barré. On en reparlera dans ce vous qui le dites tout à l'heure. Y a-t-il un Italien ou d'origine italienne autour de la table? Saravis? Pas du tout. Bah, j'adore Jérôme. Les Italiens. Bah, né. Jean-Luc Fonck. Encore tellement, non. Fonke? Non, non plus. Non, plus Vis? Je t'aime à l'italienne. C'est non. Son anniversaire aujourd'hui. Ah, visiblement, on a un sosie de merde, mais on n'a pas d'Italien autour de la table. C'est l'anniversaire de qui? Frédéric François. Oh, Frédéric, bon anniversaire. Oui. Ah bah, hey, Fredo pour les intimes. Voilà. Hey, 8h16, voici un nouveau 8-9. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europassistance.be, you live, we care. Question Benoît, comment va-t-on pouvoir résumer la circulation liégeoise en quelques secondes à peine? Bon, alors je pourrais faire court et dire que c'est la même qu'hier, mais on va quand même un petit peu détailler tout ça. Il y a de très nombreux ralentissements pour entrer dans Liège, que ça soit en provenance de la E25 des Ardennes ou des Pays-Bas. Ralentissement également sur la E40 à hauteur du viaduc d'Herstal en direction de Bruxelles. Ralentissement autour de l'échangeur de Loncin en provenance de Bruxelles et en direction d'Aix-la-Chapelle, mais aussi sur la 602 en direction des Guillemins et au centre-ville. Eh bien, sachez que les mesures donc de circulation seront déjà mises en place pour la fête du commerce. C'est très difficile de circuler, notamment du côté d'Outremeuse. Alors, l'endroit à éviter également sur les autoroutes ce matin, c'est le 42 entre Malmedy et Bâtisse. Il y a 28 minutes de ralentissement. Vous êtes bloqué à partir de Sarlespa et jusqu'à Verviers. Imaginez quand même. Vous ne pouvez pas aller par là. Et puis, je vous rappelle également que c'est fermé du côté de l'axe. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Vous voulez faire de bonnes affaires? Alors j'ai un bon plan pour vous, mais rien que pour vous, hein? C'est la braderie au shopping qu'aura recours, mais chut! Eh oui, de mercredi à samedi, Braderie a vous coupé le souffle dans l'hyper et toutes les boutiques du shopping qu'aura recours. Alors surtout, ne le répétez à personne et faites un max de bonnes affaires. Shopping qu'aura, toutes vos envies bradées dans un lieu unique. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Dis maman, à l'école on a préparé un cadeau pour papa. Et toi, tu vas lui offrir quoi? J'ai pas encore son cadeau ma chérie, mais je sais où je vais le trouver. Chez Planète Parfum. Oh, un parfum! Bonne idée! Comme ça ses bisous vont sentir très bon. Fêtez papa chez Planète Parfum et profitez de 25% de remise sur le deuxième produit acheté. Offre valable en magasin et sur notre e-shop planèteparfum.com. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elle glisse sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grip Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269€ par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez le vide dans tout le réseau Peugeot. Offre de location full service soumise à conditions réservées aux particuliers. Actuellement chez Casa, une chaise relax en bois pour 39€ seulement. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse.

Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays. Coup d'envoi les 4 et 5 juin, place d'Armes à Namur. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Et vous nous rappelez, Nathalie, l'actualité de ce vendredi. À Nassong, les recherches doivent reprendre pour retrouver un habitant emporté par les eaux après les inondations qui ont frappé hier soir et cette nuit la province de Luxembourg notamment. L'eau et la boue ont provoqué de nombreux dégâts. La Nationale 4 a été coupée à la circulation. Peut-être la fin de la grève à la SNCB. Les cheminots de la CGSP ont voté hier soir la reprise du travail. Un retour à la normale n'est pas prévu avant demain matin. En football, avant leur entraînement à Genk cet après-midi et leur match de dimanche, les Diables Rouges se rendent dans 10 écoles. Ce matin, ils vont rencontrer les élèves. Ah, il faut guetter sérieusement le ciel, évidemment, ce matin. Après les gros orages d'hier soir, retour au calme, mais attention quand même aux gouttes de pluie. Et puis ce soir, formation de nouvelles cellules orageuses. Ça devrait à nouveau être la cata à surveiller, donc 18 degrés de maxima. Une partie des stars de Danse avec les stars, dont Denitsa, dont Maxime, avec nous tout à l'heure. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. La grève continue au TEC Liège-Verviers. Toujours pas de bus ce matin, sauf à Eupen, car contrairement à hier, des piquets sont venus empêcher la sortie des bus ce matin à Verviers. La police s'est rendue sur place, mais n'est pas intervenue pour déloger les grévistes. Cet après-midi, Marc-Yves de Seym, une nouvelle assemblée générale aura lieu à Robermont. Elle sera peut-être décisive quant à la suite de ce mouvement de grève. Oui, effectivement, d'autant que la dernière en date, ce mercredi, rappelez-vous, avait suscité la polémique. La poursuite de la grève avait été votée à main levée uniquement par les affiliés à la CGSP et encore pas tous. Pour la CSC, cette méthode n'offre pas de majorité claire et même souvent seule une minorité du personnel est appelée à voter. Ce que confirme notamment ce chauffeur de Verviers affilié au syndicat chrétien. Avec ses collègues du dépôt, vous allez l'entendre, il participera à l'Assemblée Générale de cet après-midi avec un objectif bien précis. Ils sont au prison au niveau Verviers-Étoile, en espérant pouvoir démarrer demain matin tous ensemble. Vous allez clairement voter pour la reprise du travail. Tout à fait. Vous avez l'impression que c'est un sentiment partagé uniquement par le dépôt de Verviers ou uniquement par la CSC? Je pense quand même qu'il y a une bonne partie de personnes qui espèrent pouvoir recommencer le plus tôt possible. Je pense même qu'il y a des gens au sein de la CGSP qui sont même sur le point de le faire, mais qui ne savent pas prendre leur décision quand c'est un vote à main levée. Je pense qu'un vote sur papier serait bien plus intéressant pour beaucoup de monde. Alors, grève des bus, stop ou encore, verdict vers 14h. Et à la SNCB, on espère un retour à la normale progressif tout au long de la journée, mais ce matin, peu de trains circulent déjà. L'Athénée Liégeun va beaucoup changer. D'importants travaux de rénovation commenceront l'an prochain et un des aspects les plus visibles sera le déplacement de l'entrée vers les Chiroux pour créer un accès aux personnes à mobilité réduite. Mais la métamorphose ne va pas s'arrêter là, comme nous l'a expliqué la préfète de Liégeun, Jocelyne Englebert. L'objectif aussi, c'est d'améliorer le confort des élèves par la création d'un préau qui leur permettront donc d'avoir une récréation ordinaire, c'est-à-dire qu'ils pourraient profiter de l'air puisqu'ils seront désormais abrités. Dans le projet, il y a aussi des ouvertures sur la ville qui sont prévues, donc le rez-de-chaussée côté Clarisse va quand même être aéré. Il y aura possibilité d'avoir une vue de l'extérieur vers l'école et au niveau de l'entrée Clarisse, la future entrée, là vous allez avoir un dégagement qui va permettre de l'extérieur de voir la cour de récréation et la ville va entrer dans l'école. Et je trouve que c'est un projet très très chouette. Une interview de François Brébant. Pas d'apéro ce vendredi à Liège. Ce concept permet de grignoter, boire un verre dans une ambiance conviviale et musicale. Ce vendredi, le parc d'Avrois devait accueillir les apéroteurs, mais en raison de la météo catastrophique de ces derniers jours, l'événement est annulé. Le parc est dans un état déplorable. Les organisateurs ont donc décidé de reporter cet apéro géant au 10 juin sur l'esplanade Saint-Léonard. La SBL Racine, c'est à Accours, a reçu un prix décerné par le groupe Deleuze pour son projet de récupération des invendus alimentaires dans les magasins. Des invendus qu'il a fallu gérer car ils étaient abondants. Le moyen le plus efficace pour éviter le gaspillage, c'était de développer un atelier de conserve. Martial Gillot a visité les lieux avec Narecha Pachène, la coordinatrice, et le directeur de Racine, Alexandre Carlier. Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'ateliers cuisine que nous faisons ici pour des personnes qui ont différents profils, mais en tout cas qui ont besoin à un moment donné de prendre pied ici et de reparticiper à une activité de groupe afin de rebondir dans leur vie, d'aller éventuellement vers une formation ou d'aller vers quelque chose de plus enrichissant pour eux. Donc avec ces personnes-là, il y a tout ce volet de transformation, préparation de repas. Et donc là, on va aborder tout le volet conservation des légumes aussi. La conserverie, c'est quelque chose qu'on a toujours fait parce qu'on avait des produits qu'on cultivait nous-mêmes, donc on trouvait des moyens pour les conserver. Mais à petite échelle, ici, c'est à plus grosse échelle puisqu'on reçoit plus. Mais l'idée, ça a toujours été d'avoir quelque chose qui puisse durer toute l'année, comme les paysans à l'époque. Mais ici, voilà, on a dû rendre les choses un peu plus professionnelles, avec du matériel plus professionnel, pour que ça puisse répondre aux normes ASCA. Il a fallu ouvrir des vieux livres sur la conserverie. Il existe des associations qui nous apprennent aussi comment on fait, puis demander à nos grands-mères, à nos mamans, ou essayer de tester chez nous aussi, voir comment on fait. Hein. Faire une confiture, c'est beaucoup plus facile que de conserver un fruit. Le sport, avec ses nombreuses personnalités du foot belge qui vont participer ce soir au challenge Régis Genot à Flémalle. Régis Genot, l'ancien défenseur du Standard, décédé il y a 8 ans d'un arrêt cardiaque, il n'avait que 35 ans. Et chaque année, c'est important pour lui, Michael Neyman organise un petit tournoi pour lui rendre hommage. Il faut savoir que Régis Genot nous a aidés à construire le projet d'option football dans le cursus scolaire des écoles primaires de Flémalle. Ensuite, pour lui rendre hommage suite à son décès, on a décidé de donner son nom à l'école Régis Genot. Et de là est né le challenge de l'école Régis Genot. On organise un tournoi avec les anciens amis, coéquipiers et adversaires de Régis. Mais c'est un tournoi vraiment amical, un tournoi festif où tous les anciens copains se retrouvent. Et c'est l'occasion de boire un verre et de jouer un peu au foot entre amis. Et puis en basket, le BC Liège vient de frapper fort sur le marché des transferts avec l'arrivée de John Fields, le pivot américain révélation de la saison 2015 avec Liège, qui est de retour au Country Hall après une saison passée à l'Union Montseno. Fields a signé un contrat pour 2 saisons avec le BC Liège. Et à 9h, c'est vous qui le dites, 3 débats sur la table. D'abord, ça fait 70 ans que les premiers Italiens sont arrivés en Belgique. Dans votre famille, qui est le premier à avoir posé le pied sur le sol belge? On attend de vous un nom. Cette fois, elle est vraiment là. La Wallonie a sa grille indicative des loyers, type de bâtiment, nombre de chambres, énergie. Qui croit que ça va faire baisser les prix? Et puis, à cause du plan climat de Bruxelles, faut-il se débarrasser de sa voiture diesel au plus vite? Bientôt, les diesels d'avant 2006 ne pourront plus rouler du tout. Marion Jomotte, le Standard est ouvert. Et c'est votre dernière chance cette semaine pour donner votre avis. Alors soyez plus rapide que votre ombre et décrochez le téléphone pour composer le 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Votre avis est aussi le bienvenu sur notre page Facebook de C'est vous qui le dites. Bon, on se lance sur la route. Enfin, justement, ceux qui y sont aimeraient bien se lancer, mais ils n'avancent pas vraiment ce matin. Non, les ralentissements sont à peu près partout, concentrés notamment à l'échangeur de Loncin en provenance de Bruxelles, en direction d'Aix-la-Chapelle et en direction d'Aiguimin, mais même également en provenance de l'E42 et de Namur. Ralentissement sur la E25 en provenance des Pays-Bas et également des Ardennes. Les quais de la rive gauche entre Sclessin et le pont de Fragné sont très, très compliqués. On parle de temps de retard de 20 à 30 minutes selon les endroits. Ralentissement également, évidemment, au viaduc d'Herstal, mais c'est léger par rapport au reste. Oui. On revient sur la situation à l'approche de Sarlespace sur le 42 en venant de Malmedy et de l'Allemagne en direction de Bâtisse. On en est à 51 minutes de temps d'attente, donc pratiquement une heure de perdu sur cet axe qu'il vaut mieux éviter. Et puis il y a toujours cette déviation en place suite à cet accident et cette coulée de boue sur la nationale 86. C'est celle qui va de Havre à Marche-en-Famenne à hauteur d'Argimont. La chaussée est fermée là-bas dans les deux directions. Évitez ce secteur si vous le pouvez. Vivacité, la province de Liège, présente le premier Chinatown. Un village entièrement consacré à l'Empire du Milieu, du 9 au 12 juin, place Saint-Lambert à Liège. Restauration et boissons chinoises, danse du dragon et du lion, démonstration d'arts martiaux, tout pour découvrir la Chine. Une manifestation proposée dans le cadre du 30e anniversaire de la charte d'amitié avec le Fujian. Avec la naissance du petit et l'anniversaire de mon mari qui arrive, j'arrive pas à m'organiser. Va chez Caramel, Bonbons et Chocolat à Jemep. Ils s'occupent de la décoration d'événements et peuvent même réaliser les dragées pour ton fils. Super! Je vais voir Caramel, Bonbons et Chocolat sur Localizy. Le commerce autrement. Localizy.com. Localizy.com. Et si vous aviez un webshop comme celui que Catherine du Boudoir de Jeanne à Liège est en train de tester gratuitement pour l'instant. Oui, le Boudoir de Jeanne est une parfumerie différente située en Outremeuse à Liège. Parfums, maquillage, produits de soins pour femmes et pour hommes, elle connaît déjà un grand succès. Mais si vous n'avez pas la chance de venir nous voir dans notre belle cité ardente, vous trouverez désormais aussi le Boudoir de Jeanne sur Internet. Intéressé ? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Ce samedi, gratuit avec l'Écho, notre dossier 12 idées pour s'en sortir. Comme un métro rationnel pour Bruxelles, un vrai tax shift, une Silicon Valley entre les deux Louvains. L'Écho est parti d'une page blanche, a échafaudé 12 idées et invite tout le pays à dormir dessus ce samedi. L'Écho, prenez de l'avance. De 8 à 9, le 8-9. Qu'est-ce qui se passe? Denitsa est calée dans les embouteillages. Denitsa, Ikonomova et Maxime de Remez, nos invités ce matin pour un show de danse. On va tenter de les appeler par téléphone. Les embouteillages nous ont privés de ces deux stars. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'heure des embouteillages? C'est la faute d'Yvan Mayer. Mais je ne sais pas. Trouvez-moi un coupable, mais il en faudra un. On va les appeler dans une seconde. Essayez de me consoler avec une belle escapade, Sarah. On va aller manger un bio un petit peu partout à Bruxelles et en Wallonie parce que c'est la semaine du bio. D'ailleurs, qui va durer 9 jours cette semaine. Ah ben pour consoler les gens, vous êtes championne. Ah ben, non, parce qu'on va bien manger. Vous n'aimez pas manger? C'est du panda bio. Non, il n'y a que 18 cm de panda. Non, c'est le grand. Ah oui, vous êtes à détraquer, vous aussi. Mais enfin. Non, parce qu'on n'est que 5. Avec celui de 18 cm, ça fait 3 cm par personne. Et nul en maths, hein, parce que. Vous avez des drôles de goût. Mais non, 18 par 5. Ça fait 3,5. Oui, mais il y a des années où j'étais malade à l'école. Voilà. Bon, alors, la chanson de tout à l'heure. Vous devrez placer Auxerre pour Éric de Hatte. Vous devrez Culasse pour Philippe de Molenbeek. Oui. Vous devrez Ourler pour Sabine de Linsan. Et Ourler. Grève. Je vais Ourler. À la nuit, oui. Et Gérard de Tille-le-Château veut de la grève. Vous faites quoi? Alors, c'est une chanson qui s'appelle Normal, c'est le désert. Première symphonie mondiale pour orchestre, ciseaux et cheval briquet. Et donc voilà, c'est ça que nous allons découvrir tout à l'heure. Découvrir le terme. Enfin, j'espère que, les patrons français ne nous écoutent pas ce matin. J'en serais mal à l'aise. 8h41, alors au téléphone, allons les chercher là quelque part, dans la jungle de la ville. Bonjour Maxime de Remez. Bonjour. Eh bien alors, vous êtes calé dans les emboutes? Eh oui, on est dans un embouteillage. Regardez, on va faire un truc assez exceptionnel. Hein, on n'est pas très loin en fait. Ah ouais, je sais, ça va. Allons klaxonner pour voir. Klaxon, mais c'est moi un klaxon. C'est un modèle récent. Oui. Alors, ils sont dans une chambre, oui. Oui, vous êtes gentil. Alors, vous étiez presque là pour le show Dépendance au Cirque Royal le 14 juin. Alors, c'est pas la tournée de Danse avec les Stars, évidemment. C'est un spectacle à part, avec quand même des noms qu'on connaît. Est-ce que Denitsa Ikonomova est à côté de vous? Elle est à côté de moi et donc on sera effectivement 14 juin à Bruxelles. La troupe Dépendance. Vous pouvez me passer Denitsa? Après on reparle du spectacle. Parce que vous ne nous intéressez pas vraiment. Non, c'est pas ça. Mais alors, je vais vous passer. Passez-moi Denitsa deux secondes. Voilà, plus manger le clairon. Ils sont en train de marcher, j'ai l'impression. Denitsa, bonjour. Bonjour. On voulait vous entendre de vive voix parce que vous avez porté Loïc Notet jusqu'à la victoire dans Danse avec les Stars. il vous donne encore des nouvelles ou plus du tout? On s'est vu hier à 2h du mat, je peux vous dire. Ah d'accord, parce que nous rien, même pas de carte postale. Ah non, rien. Excusez-moi d'être indiscret. Je vais l'engueuler pour vous. Mais qu'est-ce que vous vous dites à 2h du matin? Vous vous êtes dit quoi? On se tient au courant de ce qu'il fait. Il me fait écouter des petites musiques, des petits sons. Ah, vous êtes devenue sa confidente? Ah, écoutez, je pense qu'il apprécie toujours mon opinion, hein, de quoi j'espère. Tu sais, il y a deux genres d'hommes dans la vie. Il y a les hommes qui reçoivent un coup de fil de Denitsa à 2h du matin. Et d'autres qui sont réveillés par... Et qui viennent travailler. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ça, c'est nous. Alors, on fait connaissance, puis après, vous me repassez Maxime deux secondes. Denitsa, vous démarrez en Bulgarie avant d'arriver dans la troisième saison de Danse avec les Stars. Vous étiez championne de quelle danse là-bas en Bulgarie? En Bulgarie, les champions de 10 danses. Ça veut dire les danses. Mais c'est extraordinaire. On est en direct. Raccrochez, c'était moi qui vous parlais. Elle est en train de parler à un gars croyant que... Installez-vous rapidos, les gars. Bienvenue en vrai. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, c'était fait exprès. On s'est dit que c'était sympa de faire ça. Voilà, on a fait Paris et Bruxelles en deux minutes. Mais quelle entrée. Alors, je refais. Donc, Denisa, vous avez été championne de quelle danse en Bulgarie? Championne des 10 danses. Ça veut dire les danses latines et les danses standards combinées. Sauf que Maxime, il a dit... C'est impossible de faire bien les 10 danses que vous avez dites. Ah, je n'ai pas dit ça. Ah, non, si, vous l'avez dit. Ah, non. Si, vous l'avez dit. Vous avez mal interprété. Ah, je vous l'avais dit. Continuez, on a beaucoup de temps. Non, j'ai dit, j'anticipe. Je pense que j'ai dit, c'était difficile de faire. Je vous fais la phrase. Oui. Je suis adepte des 10 danses, je peux encore progresser, mais je ne pense pas pouvoir maîtriser toutes les danses. C'est comme demander à Aznavour de faire du rap. Voilà, donc, je parlais de plusieurs. Non, j'ai parlé de plusieurs disciplines. C'est-à-dire là, ça reste de la danse de salon. Moi, je parlais de faire du jazz, de faire du hip-hop, de faire des claquettes. Voilà, j'ai dit, il vaut mieux se consacrer en danse sportive ou en classique et arriver à exceller dans sa discipline. Après, si on peut toucher à tout, bah, tant mieux. Alors, dans le spectacle, Dépendance, c'est pas la tournée de Danse avec les Stars. Rien à voir. Qu'est-ce qu'on verra dans ce spectacle? Dans Dépendance. Tu veux y aller? Allez, à toi d'expliquer. Allez, vas-y. Dans ce spectacle, en fait, on n'est que des danseurs professionnels, il n'y a pas de célébrité, et ça veut dire qu'on vous offre un spectacle avec que des danseurs pros. Evelyn, vous avez vu comment elle balance? Oui, exactement. On aura deux parties pendant une heure et demie et on vous offre une variété de danses, de couples, de trios, quatre couples en même temps et on aura les 10 danses également. Il faut voir ça comme un spectacle de danse acrobatique ou pas du tout? On fait des acrobaties, oui, ouais. mais en fait, c'est plus les. On est des experts dans les danses latines et dans les danses standards. Forcément, on verra plus ces danses-là. Vous avez pensé à une histoire? C'est un peu comédie musicale ou il n'y a pas d'histoire? C'est une succession de tableaux. Alors, c'est une succession de tableaux, effectivement, mais avec des liens logiques. Donc, c'est pas c'est un peu comme le Crazy Horse quand vous allez voir ce spectacle. Il y a une thématique. En fait, il n'y a pas une histoire de A à Z. La thématique, c'est sublimer la femme. Bah là, c'est sublimé de Nitsa. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre visage qu'on connaît, nous, le grand public, de Danse avec les Stars, à part de Nitsa et vous, Maxime? Qui d'autre? Alors, il y a Catherine Apachette, ouais. Il y a Christian Millet, Diane-Éric Mortreuil, Guillaume Foucault, donc il a participé il y a 2 ans, il me semble. Avec Louis-Y-Joseph. Et il y a la petite nouvelle, Emmanuel Berne, qui a participé l'année dernière avec Thierry Samitier. Et il y a notre intrus, Jade Gérop. Rappelez-moi, Sarah, qui est Jade Gérop? C'est pas Jade, la mannequin belge mariée à Lagardère, non? La jeune qui a le plus vieux, ouais. Très bonne technique. Vous avez dit... Elle n'a pas la même taille. Beaucoup plus petite. Vraiment. Mais pas petite en talent, en tout cas, parce qu'elle est multiple championne de France, donc effectivement, c'est... Ne m'en voulez pas, rien de personnel, mais dans 40 secondes, je vais vous souhaiter une bonne journée, vous dire au revoir. On a juste le temps pour commenter encore cette phrase. Niveau technique, vous avez dit, Maxime, la télé ne m'a pas fait évoluer. Dans cette liste-là, vous n'avez pas fait progresser. Non, au niveau technique, je pense que c'est la compétition qui nous amène à nous dépasser. Après, au niveau artistique, d'ailleurs, ça, c'est vraiment la suite de ma phrase, n'est-ce pas? Je prends que les débuts. Il fait ça toujours. Si vous seriez resté dehors. Je suis payé à l'heure, donc à un moment, j'arrête de. C'est ça. Il faudra écouter jusqu'au bout parce que j'avais dit ça après. J'avais dit artistiquement, par contre, ça nous fait évoluer parce qu'on doit s'adresser à tout type de public. Donc, au niveau chorégraphique et au niveau danse, c'est très intéressant. Denisa, ça change quoi de gagner Danse avec les Stars en termes de boulot, de contrat, de renommée? Ça change quoi? Ça change quelque chose ou c'est comme gagner un trophée dans une compétition sportive? Non, pas du tout. Ça fait déjà 2 fois que je gagne. Du coup, c'est assez extraordinaire. Blasé. On ne parle plus, c'est fini. On n'en parle plus. Mais voyez, je suis ici avec vous. Ça veut dire que j'ai quand même réussi quelque chose. C'est la consécration pour vous. Vous m'avez invité, ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Mais vous pourrez nous toucher avant de partir. Je vous serez dans la prochaine saison de Danse avec les Stars, Denisa? Exactement. Non, ça suffit. Elle a gagné 2 fois, maintenant elle attend un petit peu. Et vous, Maxime, oui, non? Normalement, après, c'est vrai qu'on sait, en juin, juillet. On y arrive alors. Bon, désolé, c'était un petit avant-goût par téléphone et en vis-à-vis. Le show Dépendance est au Cirque Royal le 14 juin. Maxime et Denisa, ce fut court, mais ce fut bon. Oh oui. Bon vent, les artistes. Merci à vous. Merci, bonne journée à tous. Voilà, et donc Maxime, vous allez toucher les filles. Denisa, vous nous faites avis avant de partir. Voilà. Alors, dans un instant, Jean-Luc chante. Oui, je vais peut-être danser en même temps. Il est temps de partir, d'ailleurs. Non, pour la danse, abstenez. Non, merci. Non, mais c'est moderne, hein. Jusqu'au 5 juin, profitez des conditions printemps sur les châssis et portes Bellisol en PVC, aluminium et bois. Rendez-vous dans l'un de nos showrooms ou sur bellisol.be. Bellisol. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On va dans le potager et on plie les genoux, on fait un trou, on plante un chou et on se relève. Et un et deux et trois petits trous, on relâche bien les genoux et on y retourne. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Actuellement chez Casa, un barbecue de table pour à peine 25 euros. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Plus de télé, c'est plus d'ambiance et aussi plus d'avantages. Jusqu'à mardi, plus votre télé est grande, plus grand est votre avantage. À l'achat d'une télé 65 pouces, recevez une carte cadeau de 325 euros. Conditions en magasin et sur Mediamarkt.be. Mediamarkt, je ne suis pas fou. Cuisine Constant fête son anniversaire. À cette occasion, venez redécouvrir un des plus beaux showrooms de la région ce samedi et dimanche 4 et 5 juin. Profitez de nos conditions anniversaires tout le mois de juin. Cuisine Constant, un grand nom de la cuisine. Rue de la Clé à Médin-Soumagne, cuisineconstant.be. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal. C'est une méga canon. Elle est méga canon. Non, mais il faut reconnaître, elle est vraiment très jolie. Ah non, mais... Et très sympa en plus. Ouais. Et elle m'a fait la bise. Oui, moi aussi. Deux fois. Et avant vous. Ah oui, c'est vrai. Dis danse. Dis dents. C'est beau. Mais non, pas dis dents. Ah, parce que je me dis, j'ai mal regardé. Bon alors, Jean-Luc, voici la chanson de ce matin. Mais enfin, s'il manque que celle de derrière, tu peux pas le voir. Ça, c'est vrai. Mais j'ai pas dit que j'étais contre avec dis dents. Auxerre, culasse, ourlet et grève. Je pouette avec la pouette machine. C'est une œuvre artistique. Faites-moi plaît, s'il vous plaît. Alors, on est parti. Ça s'appelle Normal, c'est le désert. Voir les nuages, on doit regarder en haut, ou bien regarder en bas leur reflet. Dans une flaque d'eau, quand on est près d'un auxerre, en train de boire un oxo, il faut regarder en l'air pour voir passer les chevaux depuis des heures, des heures, des heures, des heures, que je suis perdu dans le désert, des heures, des heures, que je ne vois personne. Normal, c'est le désert. Il a une paire de ciseaux en main et c'est ça qui fait moderne. Je connais une blondasse, une fille qui vend des culasses, à la vanille, au chocolat, à la fraise. Sauf quand il y a grève, je viens d'apprendre que Jeanne d'Arc s'était ouvert un compte Hotmail pendant que Vincent Van Gogh dormait sur ses une oreille. Depuis des heures, des heures, des heures, que je suis dans le désert, des heures, des heures, je n'ai encore vu personne, et c'est normal, c'est le désert. Tu vois que c'est moderne. Il y a Denitsa qui regarde et qui sourit. Je connais une couturière qui est un peu Alzheimer. Elle ne reconnaît plus personne. Oh, ourle Davidson, lorsqu'elle l'a pendu, tic-tac, parce que la pauvre fille boite, tic-tac, depuis qu'un flamand l'a mordu, tic-tac. Un jour à Belleoir, depuis des heures, des heures, des heures, que je suis dans le désert, des heures, des heures, et que je n'ai encore vu personne. Denitsa, je le fais, le je suis perdu dans le désert, désert, désert, et je n'ai encore vu personne, mais c'est normal, c'est le désert. Allez, honnêtement, allez revoir la vidéo sur vivacité.be parce qu'il a fait ça avec des ciseaux en main et un briquet qu'on n'a pas compris. Le briquet à cheval, écoute, je vais le faire, écoute, écoute. Ouais. Ah, je l'avais pas bien entendu. Waouh! Mais qui est le genre de mec qui a un briquet cheval? Mais c'est mieux que le contraire. Hein. Et on s'étonne que Denitsa et Maxime arrivent en retard. Ben voilà, c'est une œuvre majeure qui comptera au diable les Mozart et autres Beethoven. On en parlera dans des siècles. Ah, ça! 8h53, dans un instant, une question d'intérêt général et l'escapade bio de Madame Vice. La Pro League. la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité, Tour des sites organisation présente Soleil Noir. Un spectacle son et lumière bouleversant qui retrace l'arrivée après la guerre des premiers Italiens dans nos mines de charbon. Rendez-vous le 4 juin à Blénimine pour plonger dans l'émotion. Spectacle gratuit. Info autour des sites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Profitez maintenant de 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break. Ok, j'achète. Avec système de navigation et phare full LED compris. Ah oui, j'achète. Aide au stationnement avant et arrière, jantes 17 pouces. Oh, j'achète. Siège Alcantara, vitre teintée. Vous me faites marcher, là? Mais non. Ouh, j'achète. Profitez maintenant de 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous condition. Seat. Allons, répète, moins 10% chez Tom & Co. Moins 10% le samedi 4 juin. Bon, il faudra être prêt pour ce samedi 4 juin. Chez Tom & Co, il y a 10% de réduction sur tous nos achats. Alors on répète, moins 10% le samedi 4 juin. Tom & Co, votre animal et vous. Voir conditions en magasin. Le 8-9. C'est la question d'intérêt général. Que diriez-vous aux Diables Rouges pour vaincre les Norvégiens par 5 buts d'écart dimanche en match amical? Jean-Marie Langlais leur propose de dire que leur équipe n'est pas assez fjorte pour nous. Pierre Jacques, il suffira de les amadouer avec un frisco en leur chantant Oslo et Mio. Oh. La cuite grosse inondation à Paris, le Louvre évacué, comment rebaptiseriez-vous le musée? Bon, répondez sur la page Facebook du 8-9, à votre disposition. Sur vivacité.be, là, vous avez, outre la prestation de Jean-Luc, la revue de presse de ce matin, toute l'équipe commente la naissance du petit panda et cette histoire incroyable d'un homme enfermé dans un cimetière qui mord un policier. C'est fascinant. C'est sur vivacité.be, le commentaire de l'équipe sur la presse de ce matin. Sarah, il est 8h56, allons-y. La semaine du bio commence demain et c'est jusqu'au 12 juin. Ouais, donc ça peut, c'est 9 jours en fait. Quand même, vous savez qu'il y a 10% des agriculteurs wallons qui produisent en bio. Ça commence à devenir pas mal. On a dit 12%. Oui, c'est peut-être plus précis. Mais c'est pas mal parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs, des restaurants, des crèches, des écoles, des magasins qui demandent du bio. Alors il y a pas mal de préjugés sur le bio. Sortez-moi le principal. C'est pour les bobos. Trop cher. C'est pour les bobos. Alors, je rappelle quand même que... Ah. Oui. On mange bio jusque depuis l'histoire de l'humanité, parce que c'est dans les années 50 qu'on a commencé à produire avec des pesticides, des engrais chimiques. Hein. Ah. C'est vrai. Ils avaient l'air d'aller très bien, ceux qui étaient là avant. Mais oui, ils allaient bien. Mais oui. Enfin, bon, bref. Ils avaient peut-être moins de petits cancers. Ou alors ils mouraient avant. Enfin, bon. Toujours est-il manger bio. Bonne matinée. Ah, c'est quelque chose d'engager des professionnels pour parler du bio. Mourir à 25 ans. En tout cas, justement, si vous avez des questions, c'est l'occasion d'aller les poser. Puis ce sera festif quand même hein, aussi. Oui. Il y a Rassan 30 lieux d'activité partout à Bruxelles, en Wallonie, visites de fermes, de producteurs, des animations, des dégustations, des marchés fermiers. Donnez-nous un exemple, Madame Vice. Alors j'en ai plusieurs. Par exemple, on va pouvoir aller voir la fromagerie Chèvrefeuille, c'est dans le Brabant wallon. Alors on va assister à la traite des chevaux. C'est pour ça que je disais qu'on engageait des professionnels. Bien des sûr. Chèvres laitières, donc c'est bien si on va avec les enfants. Ouais. Puis on part en balade transhumance avec les chèvres. Et puis il y aura un grand buffet. Comme à la Légion. Il y aura un buffet campagnard. Attention, j'ai connu des histoires d'amour à la Légion. Il faut des grandes poches pour mettre les pattes de ça, les amours interdites. Mais il y aura un grand buffet campagnard avec les produits de la ferme, enfin de la fromagerie, dans l'herbe ou sous chapiteau s'il ne fait pas beau. Dites-moi comment cueillir moi-même. J'aime autant le faire alors, moi-même. Alors ça, vous allez à la ferme Le Pic Vert, à la Glanerie, dans le Hainaut. Alors donc on va cueillir, on amène sa brouette ou son panier. On va cueillir soi-même les fraises, les légumes bio. On va ensuite amener ce qu'on a cueilli pour peser au magasin à la ferme. On paye en conséquence. Et on peut même produire sur place son petit smoothie parce qu'ils ont un vélo qui s'appelle un blender bike. Et donc, il faut pédaler pour donner son smoothie. Pour mixer. Pour mixer, exactement. Oui. Donc voilà, de nouveau, je trouve ça assez sympa avec les enfants. Atelier culinaire aussi et table d'hôtes chez Gourmandise Laura, c'est une traiteur qui produit que en bio. Et donc, il va y avoir des ateliers pour les enfants, les adultes, et après table d'hôtes où on déguste ce qu'on a préparé. Et si on veut un truc au milieu des champs?